La maison étoilée, grotesque, mon bel. Naïf dessin d'enfant se découpe dans un ciel. Lune en papier d'argent, tintement des mains. Comme si les marins trinquaient de leur gobelet d'étain. Coup de vent et la mer se retourne vers la mer, rideau de pluie. La maison d'enfant en manteau de brume, on entend la sirène hurlant. Les sorciers sont sortis vers la baraque. Les souvenirs pêle-mêle, les portes qui claquent. Le Gulf Stream nous évite avec allégresse. Les gens se suicident, c'est à cause du stress. L'humidité traverse les eaux de ma mère, c'est pourtant le mois d'août. Ça demeure un mystère, puis la lumière change comme une humeur d'enfant. On enlève les pulls sur les paravents, parasol, pique-nique, cerf-volant sur les dunes, maison étoilée au clair de lune.